This is a Bad Words production. Ouais, l'attends, mec. Giuliano, t'inquiète. Ouais. C'est la rue. Ouais. Dans nos quartiers, y'a plus qu'à des lingues. Qui fume et qui trinque. J'ai connu des gars de la rue, tu connais pas leur vécu. Ils se sont battus, maintenant ils bossent dur. Tu peux pas leur en vouloir, s'ils s'étaient mis à boire. C'était pas des alcooliques, mais ils s'en sont sortis dans la rue. Soit t'es comme dans la jungle, soit t'es le prédateur, soit t'es la proie. Tu n'as pas d'amis, tu peux compter que sur toi. Tu seras traité comme un chien, les gens n'en ont rien à foutre de lever la main ou te cracher dessus. Tellement tu pues, sors de la rue. Ouais, ouais, tu vois maintenant, tu peux sortir tes doigts de ton trou de balle. Être net à chercher du travail. Au lieu de passer tes journées à traîner et à boire et te faire passer pour un clochard. Ouais. Tu vois maintenant, tu peux sortir les doigts de ton trou de balle et à te mettre à chercher du travail. Au lieu de passer tes journées à traîner et à boire et te faire passer pour un clochard. Ouais. La rue, tu les as traités quand ils étaient par terre. Maintenant t'es dégoûté quand tu les vois dans leur pelleture. Maintenant leur vie refaite, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Pas les bouger tes fesses, ils peuvent te la péter avec tous leurs fruits et dans leur costard on se frit. Alors que toi tu galères avec ton smic, eux ils sont restos et toi tu bouffes des lentilles. Ouais, moi je suis pas un bâtard, je te file 10 dollars, mais t'as intérêt de bouger tes fesses. Je vais pas faire que ça, de te filer du blé. Ouais, la rue mec. Maintenant, tu peux sortir les doigts de ton trou de balle et à te mettre à chercher du travail. Au lieu de passer tes journées à traîner et à boire et te faire passer pour un clochard. Tu vois maintenant, tu peux sortir tes doigts de ton trou de balle et te mettre à chercher du travail. Au lieu de passer tes journées à traîner et à boire et te faire passer pour un clochard. Ouais, ouais. La rue, mec. Nathan, Giuliano.